une fête, mais au moment de m'essuyer, il n'y avait plus de papier. Alors j'ai crié, crié, crié, apportez-moi du papier. Elle a crié, crié, crié, elle s'est égosillée. Mais mon père était sous la douche, ma mère enfilait ses babouches, et mes frères n'avaient pas que ça à faire, et mes sœurs, d'abord j'ai pas de sœurs, alors j'ai crié, crié, crié, apportez-moi du papier. Elle a crié, crié, crié, elle s'est égosillée. Et le pire, c'est qu'on m'a oublié, tout le monde est parti travailler. Je vous dis pas comment je me suis débrouillée, y'a des choses dont vaut mieux pas parler. Pourtant j'avais crié, crié, je m'étais égosillée. Devinez si vous voulez, comment elle s'est débrouillée, yeah. Merci, et vive la chanson française d'expression vraiment vraie.